Espace Santé Gènes. Et si on en parlait ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Espace Santé Gènes et si on en parlait ? Animée par les membres de l'équipe de l'Espace Santé Gènes d'Indre-et-Loire, cette émission a pour objectif d'aborder diverses thématiques qui font l'actualité. Je suis Célia Tranchant, accueillante assistante sociale, et aujourd'hui je suis accompagnée par ma collègue Justine Lépicier, accueillante éducatrice spécialisée. Bonjour Justine. Bonjour Célia. Aujourd'hui avec Justine, on voulait aborder la thématique de l'importance de parler. À quoi ça sert ? Pourquoi on peut avoir besoin de parler dans nos vies de tous les jours ? Et est-ce que tout le monde a besoin de parler ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que déjà, on peut peut-être parler un peu de l'espace santé jeune, parce qu'en fin de compte, on est sur une association qui offre la possibilité aux jeunes de 12-25 ans, ainsi que leurs parents, de pouvoir parler et donc d'être écoutés. Finalement, on peut se poser la question de parler, être écouté. Est-ce que c'est un lien ? Est-ce que c'est important de parler ? Ce qui est le plus important, peut-être, que c'est d'être écouté. On va essayer de voir le fait de parler, justement. Alors, très souvent, nous, on a des parents ou des jeunes qui vont venir dans notre structure parce qu'ils ont besoin de déverser, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de soutien, de conseils. On sent, des fois, on a des jeunes qui vont venir en entretien, on va dire, avec une boule émotionnelle assez forte. Et puis, au fur et à mesure, ils vont débiter au niveau de la parole. Et petit à petit, on sent que le jeune va... On sent que ça, voilà, ça fait du bien. J'ai parlé et tout ce qui était bloqué à l'intérieur de moi, ça a pu sortir et je me sens soulagée. Donc il y en a des fois, ils n'ont même pas besoin d'être écoutés. Ils ont juste besoin de parler pour vider un peu ce sac émotionnel. Et c'est vrai qu'on a certains jeunes qui sont en demande d'écoute, en demande de soutien, de conseils, de qu'est-ce que je dois faire, toutes ces choses-là. Ouais. Effectivement, après, on peut dire que les jeunes qui peuvent passer peuvent être justement dans ce besoin de soutien et d'accompagnement, en fait, à la réflexion, qui sont confrontés à des problématiques dans leur vie de jeunes adultes, d'adolescents, et qui ont besoin de ce temps de réflexion, de cet accompagnement, avec pourquoi pas aussi une méconnaissance du territoire qui les amène aussi à aller à la rencontre de professionnels pour solutionner un peu et les orienter sur les différents acteurs, par exemple des problèmes d'hébergement qui impactent sur leur angoisse quotidienne. Donc c'est aussi ça, le fait de parler, c'est de pouvoir avoir une parole qui est reçue et être accompagné dans le solutionnement, en tout cas, de ces problématiques. Oui, complètement. C'est vrai que le fait de parler, ça fait aussi partie de l'expression des émotions. Chacun exprime ses émotions à sa façon. Il y en a qui vont exprimer leurs émotions au travers du sport, d'autres au travers de l'écriture, de l'art, du contact avec les animaux ou autre. Et il y en a, ça va être parler. On sent que pour certains, parler, en fait, c'est vraiment leur façon à eux de pouvoir exprimer un petit peu ce vase émotionnel qui les remplit. Et parler, ça permet ce soulagement un petit peu émotionnel, le fait de pouvoir déverser par la parole. Alors, c'est très métaphorique, hein, mais ce qui est important dans la gestion émotionnelle, c'est de pouvoir sortir quelque chose du corps. Parce que là, les émotions, elles sont toutes bloquées, toutes concentrées dans le corps. Et le fait de pouvoir sortir quelque chose du corps, donc le fait de parler, c'est la voix qui sort de notre corps. Ça permet à certaines personnes justement de pouvoir gérer un petit peu mieux leurs émotions, en tout cas de les exprimer. Alors c'est vrai, après, dans le fait d'exprimer en fait ce qu'on a sur le cœur ou dans le corps, comme tu dis, ça peut arriver pendant les entretiens d'avoir des jeunes qui sont face à des problématiques avec leurs parents, et souvent on peut leur demander est-ce que vous en avez parlé ? Oui, oui, je lui ai déjà dit plusieurs fois. Et donc là, pour moi, on bascule un peu dans la notion d'être écouté et de, ou tout du moins de se sentir écouté. Enfin voilà, et donc où ils viennent chercher une oreille attentive en fait auprès d'une personne neutre, donc que ce soit des amis ou que ce soit face à des professionnels comme sur l'espace santé jeune, où ils peuvent se sentir peut-être davantage compris. Enfin voilà, écoutez, c'est quoi ? Il y en a beaucoup qui peuvent ressortir dans le cadre d'enquête que voilà, ils se sentent considérés, ils ne se sentent pas jugés. Enfin voilà, donc effectivement, le fait de parler, quand on pose la question aux jeunes, par moments, ils sont oui, mais je l'ai déjà fait. Mais finalement, il y a une émission qui est faite, mais par contre, la réception n'est pas toujours... toujours celle attendue, en tout cas, quoi. Complètement. C'est là où est l'importance de réussir à trouver l'interlocuteur qui nous permet d'être le mieux écouté, selon nous. Pour certains, ça peut être leur famille, leurs amis. Des fois, c'est plus facile de parler à quelqu'un qu'on connaît. Et des fois, justement, le fait de parler à quelqu'un qu'on connaît, bah, on peut avoir peur de ce jugement, qu'il soit positif ou négatif, vu qu'il y a un aspect émotionnel, sentimental entre les interlocuteurs, bah, ça amène forcément un jugement et peut-être un manque de neutralité. Et du coup, certaines personnes vont avoir besoin de cette neutralité, de cette bienveillance absolue, on va dire, si c'est possible. Et c'est là où le fait de pouvoir parler sur l'extérieur, ça peut avoir une importance. Comme par exemple, si on est au collège ou au lycée, ça peut être l'infirmière scolaire, l'assistante sociale scolaire, des professeurs, des CPE ou des assistants d'éducation. Si on cherche à l'extérieur aussi, bah, ça peut être des structures comme l'espace santé jeune, les maisons des ados, les missions locales. Enfin voilà, toute structure qui peuvent amener en tout cas une première écoute et pourquoi pas aussi derrière, comme tu disais tout à l'heure, faire une réorientation si besoin. Alors après, c'est vrai que l'aspect neutre d'une relation qui est neutre dans le cadre d'un échange, ça peut être facilitant pour... en tout cas, c'est pas biaisé dans l'échange. Il y a le jugement, on va sentir certainement moins jugé. Mais par contre, c'est vrai que c'est une problématique qui revient souvent quand on échange avec des jeunes. En tout cas, en extérieur, je parle pas des jeunes qu'on peut rencontrer dans le cadre des actions collectives qu'on peut faire ou dans le cadre des entretiens individuels. Mais souvent, quand on parle sur un extérieur, c'est « Ah ouais, mais en fait, il y a une représentation d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas ou c'est quelque chose d'extrêmement difficile à engager. Et comment est-ce qu'on pourrait faire tomber un peu cette appréhension auprès des personnes qui en ont besoin, quoi. Complètement. En tout cas, pour nous, l'espace santé jeune, l'important, c'est là, c'est de réussir à faire connaître aussi à notre réseau, à nos partenaires, notre façon de travailler. Et puis, bah, c'est vrai que nous, quand on explique aux jeunes, quand vous venez à l'espace santé jeune, c'est pour venir parler, mais on va vous expliquer comment ça marche. Ça va être un échange, on va vous poser des questions. On a cette croyance souvent que quand on va parler à quelqu'un, bah, la personne en face, elle va être là à nous écouter, à faire ok, et vous en pensez quoi? Alors que nous, bah, c'est vrai qu'on n'est pas du tout là-dessus. Alors je pense qu'il y a peut-être certains psychologues qui sont sur ce format-là parce que ça fait partie de leur pratique professionnelle, mais y a beaucoup d'autres psychologues qui ne le font pas. Et puis nous, l'espace santé jeune, c'est pas notre façon de travailler non plus. C'est vrai qu'on est vraiment sur cet accompagnement à la parole. On va vous poser des questions, on va essayer de savoir ce qui vous touche. Peut-être vous savez même pas des fois ce qui vous touche, et on va essayer de creuser tout ça. Enfin voilà, l'idée c'est de faire sortir votre parole et avec un vrai échange. Du coup, à l'espace santé jeune, en 2023, dans le rapport d'activité, on a pu voir qu'il y a eu plus de 1000 entretiens auprès des jeunes, ce qui représente plus de 750 heures d'écoute sur l'année, plus de 200 entretiens auprès des parents, soit plus de 150 heures en fait, d'écoute sur l'année. Donc, ça fait quand même énormément d'heures pour l'ensemble du public. Donc en fait, on peut se poser la question de ce que les gens cherchent, de ce que les individus cherchent et peuvent trouver en fait, dans le fait de parler et du coup d'être écoutés, quoi. Et puis, moi, je rajouterais presque qu'il n'y a pas que les entretiens individuels qui permettent de parler, de se sentir écouté. Il y a plein de types d'activités de médiation, comme un petit puzzle ou des petits jeux de société, où finalement, en fait, c'est peut-être facilitant d'avoir un média pour échanger. Ça rend la chose peut-être un peu moins formelle. Donc, parfois, c'est peut-être simplement d'aller à la rencontre des gens et par le biais de d'autres outils, pouvoir aborder un peu les choses qui nous chafouinent dans une autre modalité, quoi. Complètement. C'est là où l'importance est aussi sur le fait de créer un environnement, en fait, où les jeunes peuvent se sentir en sécurité de parler. Que ça soit dans nos structures, nous, c'est vrai que la façon dont on a aménagé les locaux de l'espace santé jeune, c'est dans cet esprit de se sentir bien, de se sentir en sécurité et à l'aise. Et c'est là où ça peut être important aussi, par exemple, en famille, si on a envie de développer la communication à la maison, bah, est-ce qu'on met en place des temps de communication? Est-ce qu'on met en place un moment un peu de bien-être? Bah, tiens, on va prendre un verre, on va donner une grenadine ou autre, et puis on va discuter ensemble, et bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ou alors ça peut être sur le moment du coucher. Il y a des moments qui sont peut-être plus propices aussi à l'écoute et au fait de pouvoir parler. Donc c'est important aussi de faire attention à l'environnement et au fait de pouvoir se sentir en sécurité pour pouvoir parler. Oui, puis il y a l'écoute factuelle, à savoir voilà les propos que le jeune va dire ou que le parent va dire, et puis il y a l'écoute qui est peut-être plus tacite et émotionnelle, en fait, à laquelle on peut parfois oublier de prêter attention, nous-mêmes pris par nos émotions. Je pense notamment dans le cadre familial où il peut y avoir des tensions, où chacun a eu sa journée un peu lourde, enfin voilà, le jeune qui a eu une mauvaise journée au collège, le parent qui a eu une mauvaise journée dans son travail, où finalement on rentre dans une confrontation de paroles, certes, mais il y a aussi tout ce qui est émotionnel et qui n'est pas dit verbalement, quoi. Complètement. En tout cas, merci beaucoup, Justine. Cette émission se termine. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour une prochaine émission. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de thématiques de santé que vous souhaiteriez que l'on aborde sur notre page Facebook espacesantéjeunes.accueilécoutejeunes37 ou sur la page de Radioactive, donc Radioactive 93 et 94.7 FM. À bientôt. À bientôt.